France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Voyage au Tibet. Le Tibet tel que l'a vu, vécu, voyagé Alexandra David-Nel. En 1924, elle entre à Lhasa, déguisée en mendiante, première occidentale à réussir cet exploit. 30 ans après son aventure, l'exploratrice raconte à la radio le toit du monde, le pays des neiges. Décrit aussi dans son livre « Voyage d'une Parisienne à Lhasa », sous-titre « À pied et en mendiant, de la Chine à l'Inde à travers le Tibet ». 1955, sur la radio-télévision française chaîne nationale, série d'entretiens avec Michel Manol en 9 épisodes dans l'émission « Le Tibet tel que je l'ai vu ». À écouter tout de suite, troisième émission diffusée le 10 janvier 1955 et quatrième émission diffusée le 17 janvier 1955, où Alexandra David-Nel nous parle des restes d'institutions féodales au Tibet, de la paysannerie, de l'organisation de la société tibétaine telle qu'elle l'a vue alors. Tibet, tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Vous nous avez parlé, madame, au cours d'un précédent entretien, des restes d'institutions féodales qui existent encore au Tibet. J'aimerais avoir des éclaircissements à ce sujet. S'agit-il d'îlots, de territoires qui demeurent indépendants du gouvernement siégeant à Lhasa, le seul auquel nous pensons quand nous parlons du Tibet? Je vous ai dit que les étrangers ont tort d'envisager comme formant un état unique toute l'étendue du territoire qui est marqué Tibet sur les cartes. Il existe des îlots pour qui Lhasa, en tant que capitale ou siège du gouvernement, ne signifie rien. Ce que j'appelle des îlots ne doit pas être imaginé comme de petites parcelles de pays, quelque chose dans le genre de la principauté de Monaco, de la République d'Andorre ou de San Marino. Non, ce sont de véritables pays. Nous y trouvons des roitelets et leurs cours, des coutumes spéciales, une mentalité, des opinions différentes, des sentiments que les populations de ces différentes fractions du Tibet entretiennent à l'égard des Chinois ne sont pas partout les mêmes. Surtout, ils ne sont pas toujours semblables aux sentiments que les autorités de Lhasa éprouvent. Nous pouvons donc en déduire que les mesures administratives et autres que la Chine pourra prendre au Tibet ne seront pas accueillis partout de la même façon. Nous verrons cela plus tard. Mais nous pouvons déjà prévoir quelque chose, des réactions possibles, en examinant ce qui concerne les roitelets et ceux qui les entourent. Évidemment, les idées dont les petits chefs et leurs dépendances sont imbues influenceront l'attitude qu'ils prendront envers la Chine. Parlez-moi donc un peu de ces roitelets dont nous ignorons l'existence en Europe. Il n'en existe plus beaucoup actuellement. Mais ils étaient nombreux autrefois. Ceux des régions de Ngari et de Tsang ont été plus ou moins absorbés par le gouvernement de Lhasa. D'autres, au Tibet oriental, ont lutté pendant longtemps contre les Chinois. Pendant mon dernier séjour en 1938-1940, l'on s'y battait encore. Maintenant, le calme règne. Deux petits états, Sikkim et Bhoutan, situés sur les pentes des Himalayas, qui faisaient autrefois partie du Tibet, sont d'abord passés sous contrôle britannique. Maintenant, ils sont des protectorats de la République de l'Inde. Mais il existe encore quelques roitelets à peu près indépendants au Dirgi, à Nanchen, le long de la frontière du Kansu et du Sichuan, et aussi chez les Goloks, qui pendant longtemps ont eu des reines. Il y a aussi le roi du pays de Pau, dont le domaine est enfoui parmi les forêts vierges. Ces sujets, les Popas, ont une sinistre réputation comme brigands. Oh, des brigands de haut vol qui organisent des expéditions de 200 cavaliers pour aller piller les régions voisines et les grandes caravanes. Avez-vous pu approcher ces régions ? Je l'ai parcouru au cours de mes voyages pédestres vers Lhassa. Je me suis alors trouvé au palais du roi de Pau à l'époque du Nouvel An. Et j'ai pris ma part de réjouissance parmi les gens du petit peuple s'entend parce que je voyageais déguisé en pèlerine mendiante. Pour tous ces roitelets, les décisions du gouvernement de Lhassa n'ont aucune valeur. Voilà ce qui va paraître singulier à tous les étrangers. Et à la lumière de ce que vous me dites, les événements dont le Tibet pourra devenir le théâtre prendront d'un autre aspect. Mais puisque vous avez fréquenté quelques-uns de ces roitelets, ne voulez-vous pas me conduire chez l'un d'eux ? C'est ça, partons en voyage. Mais d'abord, si entre nous, nous avons parlé de roitelet, ne vous avisez pas de vous servir de ce terme au Tibet. Il faut dire roi. Et même, ce nom ne correspond pas bien au terme tibétain qui est gyalpo. Roi vient de regere, ce qui signifie gouverner. Et on peut gouverner sans être un héros. Mais gyalpo veut dire vainqueur. Ah, ça a une autre allure, n'est-ce pas ? Le gyalpo est un conquérant. En réalité, les Gyalpo tibétains ont rarement conquis quoi que ce soit. Mais leurs ancêtres, oh leurs ancêtres, tous les Gyalpo se donnent une généalogie illustre, même une généalogie mythologique. Les histoires de vierges mères ne sont pas rares chez eux. Par exemple, une de leurs arrière-grand-grand-mères d'il y a 10 siècles a, certains jours, avalé un grelon. Et dans ce grelon se trouvait la substance fécondante d'un dieu. Sur le fond de nos ancêtres féminins, c'est un rayon de lumière qui s'est posé un jour, et ce rayon était le véhicule du principe spirituel de notre Dieu. Et voici des naissances miraculeuses. Tous les peuples ont ces histoires dans leurs légendes. Au Tibet, on y croit encore. D'autres Gyalpo sont tenus pour être des avatars de déités, comme le Dalai Lama, qui est une sorte d'avatar de Chinrezi, je vous en ai parlé. À vrai dire, ce ne sont pas toujours les Gyalpo qui proclament leur auguste origine. Ceux que j'ai connus ne le faisaient pas, avec moi du moins. Ils souriaient de ces fables. Mais les gens de leur maison proclamaient très haut le caractère quasi sacré de leur maître, et les paysans, ses sujets, l'affirmaient qu'une foi inébranlable. Cette croyance dans la haute supériorité du Gyalpo amenait comme conséquence une stricte étiquette, une étiquette puérile et souvent grotesque, et qui m'a maintes fois amusée. Ainsi, le Gyalpo a le droit d'orner le toit de son palais en y érigeant des espèces de cylindres dorés que l'on appelle Gyaltsen, ce qui veut dire emblème de victoire. Si un de ses sujets s'avisait de placer un Gyaltsen sur le toit de sa maison, il serait condamné à payer une forte amende et naturellement devrait enlever l'ornement auquel il n'a pas droit. J'en ai érigé un sur ma maison, a dit. Mais ici, il n'y a pas de Gyalpo pour me mettre à l'amende. Le Gyalpo a également droit à un parasol d'honneur. L'ombrelle, c'est un emblème de royauté en Orient. Et quand le Gyalpo voyage, le parasol est tenu par un serviteur de rang supérieur qui chevauche immédiatement derrière son maître. Mais en théorie, il chevauche. Le parasol qui doit être tenu au-dessus de la tête du Gyalpo ne l'est pas toujours. Les sentiers de montagne et le tempérament assez capricieux des chevaux tibétains ne permettent guère au porteur du parasol de garder la distance protocolaire. Le plus souvent, il se trouve séparé de son seigneur. Et dans ce cas, on le voit galoper tenant au-dessus de son indigne tête de manant le beau parasol en soirée multicolore. C'est un spectacle habituel, les Tibétains ne s'avisent pas d'en rire. Le Gyalpo en voyage est aussi précédé de timbales. Ces timbales sont placées sur le cheval de l'homme qui en joue. Dès que le cortège du Gyalpo arrive en vue d'un endroit habité, des roulements de timbales annoncent son arrivée et la population qui se range alors au bord du sentier salue. Autrefois, ces petits états tibétains ne présentaient pas que des sujets comiques. Le Gyalpo, si infime qu'il fût, avait un pouvoir absolu sur ses sujets. Il prononçait assez rarement une condamnation à mort, mais s'il le faisait, il n'avait de compte à rendre à personne. Bien entendu, si par accident il lui arrivait de blesser ou de tuer un manant, oh, ce n'avait pas plus d'importance que s'il s'était agi d'un animal. Les choses ont déjà changé. Et d'où ces roitelets tiennent-ils leurs revenus? Des terres, de leurs états, que leurs sujets cultivent à leur profit, d'impôts qu'ils perçoivent, des dons qu'on leur offre, pour se faire bien voir, mais le plus souvent par un sentiment de ridicule glorieux. Les pauvres sujets du Gyalpo lui offrent les choses dont ils ont le plus grand besoin eux-mêmes. J'en ai vu qui, ayant abattu un porc ou un mouton, s'empressaient d'en faire porter la carcasse au Gyalpo. Leur famille ne mangeait pas à sa faim. Elle se nourrissait d'un bouillon d'ortie sur lequel on saupoudrait un peu de farine. Mais le paysan exultait, se vantant d'avoir engraissé une bête pour son seigneur. Il y a peu à espérer dans le sens du progrès de gens qui ont une telle mentalité. Elle n'est d'ailleurs pas particulière aux Tibétains. On peut la retrouver ailleurs sous différentes formes. Et comme source de revenus, le Gyalpo a aussi le commerce, il trafique par l'intermédiaire de marchands qu'il commandite. Tous les Tibétains trafiquent. Enfin, le Gyalpo se fait des revenus avec les amendes qu'il inflige. Il est le juge suprême dans son état. Mais cette question de l'organisation de la justice est toujours intéressante. Comment est-elle organisée dans ce petit état tibétain? Oh, à peu près de la même façon qu'elle est organisée dans tout le Tibet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas organisée du tout. Il n'existe pas de code pénal au Tibet. Il n'en existe ni pour le gouvernement, soi-disant central de Lhasa, ni dans les petits états indépendants. Les Tibétains sont, je le crois, les gens les plus procéduriers du monde. Tous, ils ont toujours une contestation quelconque en train d'être débattue. Et bien entendu, ils s'adressent à des tribunaux. Et des tribunaux? Il n'y en a jamais eu jusqu'à présent. On vient d'en établir. Mais il faudra du temps avant que les gens s'adressent à eux. Les gens du peuple font appel au premier venu pour arbitrer leurs différences. Au Tibet septentrional, au Tchingé, le pays des pasteurs vivant sous la tente, je voyais les pasteurs faire appel aux soldats chinois qui patrouillaient le pays. Ils s'en remettaient à eux pour faire l'office de juge. Dans les villages, on demande comme juge un ancien, ou le richard local, ou l'autre des moines d'un monastère voisin. Dans le voisinage d'un Gyalpo, on s'adresse à lui. Mais seulement s'il s'agit d'une affaire d'importance. Le Gyalpo ne daignera écouter les parties que s'il s'agit de gens suffisamment huppés pour qu'il puisse leur infliger une amende assez forte. C'est lui qui emportera l'amende. Et quelle que soit l'issue du procès, il y aura toujours une amende à payer. Souvent même une amende pour chacune des deux parties, pour le plaignant comme pour le défendant. Mais je ne comprends pas, celui qui gagne un procès est mis à l'amende comme celui qui perd. Ah, vous me faites naviguer dans un monde bien curieux. Vous êtes au Tibet. Mais j'entends bien, je suis au Tibet, sans doute. Vous me réservez encore bien des sujets d'étonnement. Mais à propos de cette singulière façon de rendre justice dans un petit état soumis à un roitelet, pouvez-vous m'en dire davantage? Très bien. Je vais vous initier au mystère de la procédure. Commençons par le haut, par la tête, le Gyalpo qui a droit de haute et de basse justice. Amener une cause jusqu'à lui n'est pas facile. Il faut de la patience. Oh, beaucoup de patience, et cela coûte cher. Le Gyalpo appelle, quand bon lui semble, les causes qu'il daigne connaître. Les plaignants peuvent être tenus dans l'attente toute une année. Comme ils ne peuvent pas prévoir le jour où ils seront appelés devant le Gyalpo et qu'à son premier commandement, il faudra se présenter immédiatement devant lui, ces gens qui souvent demeurent à une très grande distance de la localité où le Gyalpo réside sont obligés de prendre un logis dans le voisinage de son palais et de supporter les frais de leur séjour. Mais avant d'être entendu par le Gyalpo, il y a nombre de démarches à accomplir. Il faut s'attirer les bonnes grâces d'une foule de satellites du Seigneur qui ont le pouvoir de barrer l'accès auprès de lui. Ces familiers du pays s'échelonnent en gradation ascendante depuis le portier qui garde l'entrée des appartements du Yelpo jusqu'au ministre qui examine les causes et décide si elles valent la peine d'être soumises. La valeur des cadeaux offerts à ces divers individus augmente avec leur rang hiérarchique. Quand un plaignant est assez ambitieux pour vouloir être jugé par le Yelpo en personne, l'importance du présent à lui offrir avant la première audience est considérable. Beaucoup de villageois n'ont pas les moyens de monter cette échelle jusqu'au sommet. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent renoncer à se faire rendre justice. Renoncer? Ah, on voit bien que vous n'avez pas vécu au Tibet. Je vous ai dit, les Tibétains sont le peuple le plus procédurier de la Terre. Un Tibétain a toujours un procès en cours, comme il a aussi toujours des dettes. Bon, le plaignant ne renonce pas à obtenir satisfaction. Ses moyens ne lui permettent pas de porter une cause devant le Yelpo. Que peut-il faire? Ah, il peut se contenter d'une sentence rendue par un des dignitaires de la cour. Beaucoup de Tibétains comprennent d'emblée qu'ils n'atteindront pas le Yelpo. Ils ne tentent pas d'arriver jusqu'à lui et portent leur cause à l'un de ses ministres. Ils espèrent ainsi obtenir un jugement au rabais. Il n'y a place jusqu'aux plus humbles commis des bureaux du Yelpo, ni même jusqu'à ses valets, qui est l'occasion de faire le fonction de juge. Ah, le valet de chambre est considéré comme un personnage, et maintes fois, c'est lui qui est choisi comme juge. Ce n'est pas seulement la difficulté d'atteindre le Yelpo ou même seulement un de ses ministres qui conduit un plaignant à s'adresser à des individus de conditions minimes. C'est aussi parce qu'il sait qu'en cas d'une décision défavorable pour lui, l'amende à payer sera moindre que pourrait être celle infligée par le Yelpo lui-même. Mais c'est bien curieux tout cela. Quelle mœur singulière. Les procès dont vous me parlez sont, je le comprends bien, ce que nous appelons des procès civils. Je suppose que le procès vise à obtenir une compensation des dommages et intérêts, ou quelque chose de ce genre, pour un tort qui vous a été fait. Et comment les juges tibétains règlent-ils cette question? Que la cause soit jugée par le Yelpo ou par un ministre, par le Haut Tribunal Suprême de Lhasa, ou par un humble chef de village, le résultat de la procédure est identique. Tenez, voyez. Si Tsering se plaint d'un tort que Dorji lui a causé, et que sa plainte soit reconnue fondée, Dorji devra payer une amende. Cette amende, ce sera le juge, le Yelpo, le ministre, ou quel qu'il soit, qui l'empochera. Mais ce Tsering, le plaignant, il touchera bien quelque chose? Et c'est possible, mais pas certain. La punition du coupable, c'est l'essentiel. L'amende encaissée par le juge constitue cette punition. Mais dans le cas contraire, si la plainte de Tsering est jugée non fondée, Tsering paiera une amende pour avoir présenté une plainte injustifiée. Le bon juge la mettra dans sa poche. Et ainsi, quelle que soit l'issue du procès, ce sera toujours lui qui gagnera. Mais attendez, ce n'est pas tout. Avant que le jugement soit prononcé, Tsering et Dorji, tous les deux, ont déjà offert des cadeaux à tous les intermédiaires par qui ils ont dû passer pour se faire introduire et recommander auprès du juge. Maintenant que le juge a prononcé son arrêt, le gagnant doit offrir un cadeau au juge pour le remercier d'avoir décidé en sa faveur. Et le perdant, il doit offrir un cadeau au juge pour le remercier de ne pas l'avoir condamné plus sévèrement. Et croyez-vous que ces coutumes vont subsister sous le nouveau régime chinois? Il y aura des changements. Les réformes que les Chinois ont déjà apporté rend le pouvoir des Yelpo et des ministres beaucoup moindre que ce qu'ils étaient autrefois. On n'imagine pas la crainte que tous ces gens inspiraient au menu peuple. Jusqu'au dernier des valets, au service d'un roitelet, d'un ministre ou d'un fonctionnaire quelconque, tous s'intitulaient Junkimi, c'est-à-dire homme du gouvernement. Et à ce titre, ils exigeaient des corvées pour leur service, des repas lorsqu'ils voyagent, et bien d'autres choses encore. Pourtant, par un juste retour des choses, lorsqu'il se trouvait devant un personnage d'une réelle importance, ses matamores éprouvaient une terreur mille fois plus grande que celle qu'ils inspiraient à leurs inférieurs. Il existe à ce sujet nombre d'anecdotes comiques. Celles-ci sont passablement rablaisiennes, et j'hésite à vous les rapporter. Mais je vous en prie, dites-les. Nous ne sommes pas seuls, des oreilles sont à l'écoute. Mais est-ce que ces incidents offensent les bonnes mœurs? Oh, pas du tout, pas du tout. Ce que je vais vous raconter, c'est tout simplement malpropre. Ah, tant pis, vous qui avez insisté. J'ai connu le héros de l'aventure, le premier ministre de Yelpo. Donc, je vous ai dit que ces gens arrogants qui terrorisent le petit peuple sont eux-mêmes terrifiés lorsqu'ils se trouvent en la présence de haute autorité. Le dit ministre avait été envoyé à Lhasa par son Yelpo pour y soumettre une question au conseil des chapés, les ministres d'État. Il attendait dans une antichambre le moment d'être introduit dans la salle où le conseil siégeait. Le fonctionnaire qui devait l'introduire avait entrebâillé la porte donnant dans cette salle. Le ministre n'avait jamais rien vu de pareil. Le violent effroi qui le saisit produisit chez lui une réaction physique soudaine. Et il dut s'abandonner aux soins d'un domestique qui lui enleva rapidement son vêtement de dessous maculé. Le domestique le poussa alors tout tremblant et les jambes nues devant l'échappée. Heureusement, les robes tibétaines sont larges et longues et la sienne dissimulait suffisamment sa nudité. Dites-moi, pour autant que je puisse me les représenter, ces roitelets tibétains ressemblent beaucoup à ce qu'étaient les seigneurs de nos pays au temps de la féodalité. Ils ont une cour. Comment vivent-ils? Je voudrais en savoir quelque chose. Voulez-vous me donner quelques détails à ce sujet? On peut écrire tout un livre sur les Gyalpos, mais vous vous contenterez de quelques tableaux. La vie des Gyalpos est assez terne, du moins à notre point de vue. La cour, comme vous dites, ne sort de son engourdissement qu'au moment de certaines fêtes. La plus importante de celles-ci est le Nouvel An. À ce moment, toute la maisonnée du Gyalpo s'agite, procédant aux préparatifs des réjouissances. Réjouissance au Tibet consiste principalement à manger, et surtout à boire. Dans une maison riche, et naturellement chez un Gyalpo, le Nouvel An est célébré pendant un mois par une série de banquets. Cela vous dit-il quelque chose de jeter un coup d'œil sur un banquet tibétain dans la demeure d'un Gyalpo, d'un membre de la noblesse? Non, sûrement, j'en suis curieux, bien que j'imagine qu'un grand dîner au Tibet ne peut que ressembler à un grand dîner dans tous les pays. Les invités sont assis, ils mangent. Oui, oui, ils sont assis et mangent. Mais comment? Mais... Ah là, là, vous ne le savez pas. Laissez-moi instruire. La salle est vaste. Que cherchez-vous en regardant de tous côtés? Il n'y a pas de grandes tables portant de belles vaisselles, de multiples verres, de l'argenterie. Ne cherchez pas de chaises non plus. Les Tibétains ne se servent pas ordinairement de chaises. On n'en trouve que chez ceux qui affectent des manières élégantes et pour cela imitent les Chinois et les Européens. Les Tibétains s'assoient sur des coussins. Dans les maisons riches, ces coussins sont des carrés de tapis rembourrés avec de la laine de façon à devenir aussi durs qu'un bloc de bois. Ces coussins peuvent être empilés les uns sur les autres. La hauteur de la pile sur laquelle un invité est assis correspond à son rang social ou à l'estime en laquelle il est tenu. C'est ainsi qu'un personnage éminent pourra être juché sur 6 à 8 coussins à 1 mètre du plancher. Les invités au banquet du Gyalpo seront ainsi assis à différentes hauteurs, jusqu'à ce que les moindres d'entre eux soient assis sur un simple carré de tapis non rembourré. Il va sans dire que le Gyalpo domine toute l'assistance assis sur une montagne de coussins. Et la Gyalmo, son épouse, est à côté de lui, assise un peu plus bas que lui. Les niveaux différents que les invités sont placés ne les empêchent point de parler ensemble, et souvent avec beaucoup d'animation. Ils lèvent le nez vers leurs supérieurs lorsqu'ils s'adressent à eux et abaissent les yeux en parlant à leurs inférieurs en dignité. Il y a un espace entre les convives, et chacun d'eux a devant lui une petite table étroite dont la hauteur atteint le niveau de ses genoux. Sur cette table, il est servi individuellement. Cependant, les gens élégants, surtout à Lhasa, ont commencé à adopter la mode chinoise de manger assis à une même table. Et certains ont imité les Chinois jusqu'à puiser ensemble, avec des baguettes, dans le même plat. Mais beaucoup, à qui cette coutume répugne, je le comprends, mangent à la même table, mais chacun avec un petit bol et une petite assiette séparées. Mais c'est encore assez peu répandu, cette façon élégante. Les règles de préséance sont très strictes au Tibet. Et certaines de ces règles se rapportent même au nombre de mets différents qui sont servis à chacun individu et à l'abondance plus ou moins grande des portions qui lui sont servies. Des plats coûteux comportant des produits chinois peuvent n'être servis qu'aux hôtes de marque. Ce que vous me dites de la différence dans la quantité de nourriture présentée aux différents invités me donnent de l'inquiétude pour les moindres d'entre eux. Est-ce qu'ils doivent se contenter de regarder les gros bonnets de la société tandis que ceux-ci se gavent ? Oh, nul besoin de pitié. Il vous serait probablement impossible de manger en 2 ou 3 jours ce que le plus humble des domestiques d'un galpot en goûter en un banquet de fête. Et les Tibétains sont-ils si grands mangeurs ? Pas plus grands que vous ne pourriez l'imaginer. Mais s'il est bon de manger, les Tibétains pensent qu'il est encore meilleur de boire. Alors, à un grand banquet, tout le monde boit ferme. Pour exciter ses invités à boire, l'autre qui donne la fête engage des Tchangma. Les Tchangma, ce sont de jolies filles du peuple, à qui l'on prête de très belles robes et des bijoux. Ainsi costumées, elles circulent par couple dans la salle du festin. L'une des filles tient une cruche contenant de l'eau de vie de grain et l'autre un bol sur lequel on a appliqué avec le pouce de petites pièces de beurre. Le nombre de morceaux de beurre collés au bord du bol indique le nombre de bols pleins d'eau de vie que doit vider celui à qui la fille présente. Ces filles sont malicieuses et ne manquent pas d'offrir gracieusement les bols à ceux des convives qui paraissent déjà fortement éméchés. Il n'y a pas à refuser. L'honneur de celui à qui le bol est présenté est en jeu. Il faut qu'il avale coup sur coup, sans broncher, le nombre de bolets indiqué par le nombre de morceaux de beurre. Mais ils vont devenir complètement ivres et tomber de leur pile de coussins. Oh non, non, ils n'en sont pas encore là. Les Tibétains ne s'enivrent pas pour si peu. Très souvent, après le banquet, on danse. Et comment danse-t-on au Tibet ? Hommes et femmes marchent les uns derrière les autres autour de la salle. Ils ne se touchent pas. Leurs pas sont rythmés. Ils frappent du pied en cadence, agitent des écharpes. Il n'y a pas d'orchestre. Les danseurs chantent et s'entre-répondent en improvisant les paroles qu'ils chantent. Ils témoignent de leur finesse d'esprit et la propose spirituelle de leur répartie. Les Tchangma, portant la cruche d'eau de vie et le bol, déploient maintenant toute leur astuce. Elles offrent le bol orné de nombreux morceaux de beurre à ceux dont les jambes deviennent molles. La compagnie s'esclaffe en guettant le moment où les victimes de ces belles filles vont s'affaler sur le plancher. Est-ce que ces ivrognes vont rester là pendant tout le temps qu'ils couvront leur alcool ? Oh non, cela n'arrive que chez les gens de la basse classe. Les domestiques d'un ivrogne de conditions suffisamment distinguées le rapportent chez lui, souvent complètement inconscient. Et les gens de sa maison se trouvent flattés parce que leur maître était si bien traité chez son seigneur. Mais nous avons connu des mœurs quelque peu analogues en Europe. Chez certains de nos voisins du Nord, surtout des convives distingués, devaient plus d'une fois être ramenés à peu près inertes à leur domicile. Excusons donc ces braves Tibétains. Ne croyez pas, d'après ce que je vous ai dit, que tous les Tibétains sont goinfres et ivrognes. Oh, il y a au Tibet des gens qui sont strictement sobres. Il existe surtout une intelligentsia où l'abstinence est de règle générale. Ben, je suis heureux d'entendre cela. Ces gens respectables sont-ils nombreux ? Ne les donne-t-on pas en exemple aux autres ? Ils ne sont pas nombreux. Tous les Tibétains les louent grandement, en parole. Ils leur témoignent un profond respect. Mais ils ne se privent pas d'exprimer entre eux leur opinion à l'égard de ces sages vénérables. Leur existence leur apparaît morne, peu inviable. Et pour tout dire, ils pensent qu'une telle vie que la leur ne vaut pas la peine d'être vécue. C'était « Le Tibet tel que je l'ai vu ». Michel Manol a interrogé Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Vous écoutez Le Tibet tel que je l'ai vu en 1955 avec Alexandra David-Nel. Tout de suite, 4e émission, diffusée le 17 janvier 1955. Tibet, tel que je l'ai vu. Michel Manol interroge Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. Dans un entretien précédent, vous avez tracé un tableau amusant des chefs locaux, les roitelets indigènes. Mais qui dit roi ou chef suppose des sujets. J'aimerais bien savoir quelque chose des sujets de ces rois d'opérette. Sont-ils aussi pittoresques que leurs seigneurs? Et pour le moment, on parle beaucoup chez nous des paysans, des cultivateurs. Il doit y avoir aussi une paysannerie au Tibet. Voulez-vous nous en parler? Évidemment, il y a des paysans au Tibet. Ils n'ont rien de particulièrement pittoresque, si ce n'est à notre point de vue, à cause de la différence de leurs mœurs avec les nôtres. On peut décrire assez exactement le caractère des paysans tibétains, disant qu'ils sont d'humeur joviale et généralement insouciants, ce qui est fort heureux pour eux. Car si nous l'examinons, leur existence est souvent loin d'être heureuse. Mais quelles sont les causes principales qui troublent l'existence des paysans tibétains? Deux causes, d'ordre bien différent. La superstition et les dettes. En effet, voilà des choses qui paraissent bien n'avoir aucun rapport entre elles. Non, certainement pas beaucoup en apparence. Mais tout de même, certaines superstitions conduisent à faire des dépenses, et faire des dépenses conduit à s'endetter, nous verrons cela. Eh bien, parlons d'abord des superstitions. Oh, quelques-unes seulement. Celles qui concernent la vie des paysans. Et il y en a beaucoup d'autres au Tibet comme chez nous. Les paysans tibétains sont d'un naturel jovial et insouciant, je vous l'ai dit. Autrement, je me demande comment ils pourraient supporter l'atmosphère de croyances sinistres dans laquelle ils se meuvent. Pour s'en faire une idée, nous devons évoquer les plus sombres jours de notre Moyen-Âge, alors que les bonnes gens s'imaginaient le diable présent et aux aguets partout. Entre la nature, la personnalité du diable, Satan tel qu'on s'imagine chez nous, et les démons que les paysans du Tibet craignent, il y a une énorme différence. Je vous la montrerai un de ces jours prochains. Comprenez seulement aujourd'hui que le Tibétain des campagnes imagine que des êtres d'un caractère généralement malveillant existent partout autour de lui. Aucun geste ne peut être fait sans risquer d'irriter l'un ou l'autre d'entre eux. Oui, c'est un véritable cauchemar. Comment peut-on supporter cela? Oui, c'est assez horrible et déconcertant, en effet. Aussi, les Tibétains préfèrent s'en tenir à l'idée d'un individu de notre monde qu'il est possible d'atteindre et de pacifier lorsqu'il se fâche. Mais qui est cet individu? Où est-il? Ah, c'est encore un mystère. Mais que fait le Tibétain pour dépister les individus d'un autre monde qui veulent lui nuire? Il y a pour ça de multiples moyens. Tous exigent l'intermédiaire d'experts en l'art de cette découverte des ennemis invisibles. Par conséquent, ces artistes devant être payés, les dépenses commencent. Elles s'accumulent aussi quand il s'agit de maladies. Car toutes les maladies, du moins les Tibétains le croient, sont causées par des démons. Pour contrecarrer l'action néfaste de ces démons, les Tibétains se ruinent en cérémonies religieuses et pour survenir à ces dépenses, ils contractent des dettes. Il y a là un effet naturel du désir que nous avons d'éviter de la souffrance à ceux que nous aimons et de conserver en vie. Est-ce un sentiment louable ? La maladie est un état d'exception, les Tibétains sont robustes. Ils n'ont donc pas souvent besoin de faire appel aux sorciers pour les guérir. Les occasions de s'endetter à ce propos ne doivent donc pas être très nombreuses. Les occasions de s'endetter sont très nombreuses pour un Tibétain. Il me faudrait beaucoup de temps pour vous les énumérer en détail. Je vais me borner à vous en signaler deux. Tout d'abord les funérailles. Et comment on s'endette à propos de funérailles? Et certainement, c'est même souvent à leur propos que les pauvres Tibétains s'endettent le plus. Les Tibétains sont vaniteux, d'une vanité sans borne lorsqu'il s'agit de faire à leur mort des funérailles fasteuses. Il s'agit de rivaliser avec les voisins, avec les membres de sa propre famille, afin que son mort à soi, soit plus honoré que l'ont été les morts des autres. Le père de Tsarine, par exemple, meurt. Tsarine tiendra à ce que l'on parle dans toute la région de la prodigalité dont il a fait preuve pour ses funérailles. Il veut que non seulement on en parle sur le moment, mais que l'on s'en souvienne pendant longtemps. Il faut que l'on répète. Tsering a invité 20 lamas à venir lire les écritures sacrées devant le corps de son père. Ils ont lu pendant 15 jours, ou plus longtemps, et pendant tout le temps que le cadavre est resté à la maison. Chez les Tibétains, comme chez les Chinois, on garde longtemps les corps des morts avant de procéder aux funérailles. Conserver le cadavre longtemps dans la maison est considéré comme un signe de respect donné aux défunts. Chez les Chinois, au bout de quelques jours, on enferme le corps dans un cercueil et l'on conserve le cercueil à domicile. Chez les gens riches ou d'autres situations sociales, le cercueil peut rester exposé dans une chambre d'appareil pendant plusieurs mois. Mais les Tibétains ne font pas usage de cercueil. Mais vous dites qu'ils gardent les corps pendant un temps assez long chez eux. Comment cela? S'ils ne sont pas enfermés dans un cercueil, ils doivent se décomposer. Et alors, comment les garder chez soi? Est-ce que vous seriez curieux de détails macabres par hasard? Pas précisément, pourtant, je suis en effet curieux de ce qu'il en est au Tibet. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet dans les livres qu'on a écrits sur le Tibet. Et vous n'en avez rien dit non plus dans les vôtres. J'ai lu Le voyage d'une Parisienne à Lhasa, parmi les mystiques et les magiciens du Tibet, au pays des brigands gentilshommes, à l'ouest barbare de la vaste Chine, où vous dépeignez le Tibet oriental. Enfin, le dernier, tout d'actualité, Le vieux Tibet face à la Chine nouvelle. Vous voyez que je vous ai lu. Et je ne me rappelle rien concernant ces corps que l'on conserve longtemps chez soi. Alors, dites-moi, comment cela se fait-il? Les corps sont-ils embaumés? Je vois que vous avez lu quelques-uns de mes livres. Très flatté. J'en écris d'autres encore. Quand vous aurez des loisirs, je vous en recommande la lecture. Mais ne plaisantons pas, je vais vous renseigner. Les Tibétains pauvres n'embaument pas les morts. Ils se contentent de les faire asseoir sur un chaudron. Mais vous voulez dire qu'ils les font cuire? Non, le chaudron ne sert pas à cela. Vous devez d'abord savoir que les Tibétains ne laissent pas les cadavres étendus dans la position couchée. Dès que la personne est morte, on plie ses membres de façon à la mettre les jambes repliées dans la posture que vous voyez au statut des Bouddhas. Les mains sont jointes, les paumes se touchent dans une attitude de prière ou de salutation. Pour faire tenir le mort dans cette position, on l'attache avec plusieurs écharpes, puis on habille le corps, on l'habille à l'envers. C'est-à-dire que ses gilets et ses robes, au lieu d'être attachés sur le devant, comme c'est normal, sont attachés sur le dos. C'est quand tout cela est fait qu'on pose le corps sur un chaudron rempli de grains. Avez-vous deviné pourquoi? Je vous avoue que je ne vois pas très bien. Ah, vous avez voulu des détails. Mais c'est pour que les liquides provenant de la putréfaction puissent s'écouler dans ce récipient et être absorbés par le grain qui s'y trouve, au lieu de salir la pièce où se trouve le cadavre. Ne vous attristez pas à cause de la perte que le fermier pauvre subira du fait de ce grain sali. Le grain ne sera point perdu. Il sera utilisé pour faire de la farine et pour être transformé en bière, tout comme le grain provenant directement des champs. Vous avez dit que les Tibétains n'embaument pas les corps. Et puis, vous avez ajouté que les Tibétains pauvres assoient les cadavres des leurs sur un chaudron. C'est ce mot pauvre qui m'intrigue. Et les Tibétains riches, que font-ils des corps de leurs morts? J'imagine qu'eux aussi les gardent longtemps chez eux avant de procéder aux funérailles. Il en est bien ainsi. Deux procédés de conservation des corps sont connus au Tibet. Mais on ne les emploie que pour les corps de très grands personnages, presque exclusivement des lamas, des grands lamas. Premièrement, le corps assis en posture de méditation est placé dans une caisse remplie de sel. Au fur et à mesure que le ciel devient humide par l'effet des liquides provenant de la putréfaction, on l'enlève et on le remplace par du sel frais. Le mort reste pendant plusieurs mois dans cette saumure. À la fin, le corps, par l'effet de cette salure, se dessèche et se durcit. Il devient une momie qu'il est possible de conserver. L'autre procédé consiste à faire bouillir le cadavre dans du beurre jusqu'au durcissement des chairs. On peut aussi obtenir une momie de cette manière. Ces momies-là se dénomment mardong. Souvent, ensuite, on habille leur corps et on dore le visage avec des feuilles d'or et la momie ressemble alors à une statue. On peut l'exhiber dans une cage vitrée. Et je vous le répète, ceci ne se fait que pour les grands lamas. Les autres sont incinérés, comme sont la majorité des Tibétains, après un séjour plus ou moins long dans leur demeure. Du moins, ils sont incinérés dans les régions boiseuses. Quand il n'y a pas de bois, ils sont coupés en morceaux et livrés aux vautours. Mais vous m'écoutez distraitement, votre esprit est ailleurs. Vous voulez me demander quelque chose ? Oui, c'est vrai, je suis resté sous l'impression de ce grain pollué que l'on consomme. Qu'advient-il du sel et du beurre dans les autres cas ? Je vous ai dit que ce procès de momification ne s'applique qu'à de très hauts personnages ecclésiastiques. Pendant mon dernier séjour, on a ainsi desséché dans du sel le corps du Panchen Lama, le prédécesseur de celui qui siège aujourd'hui à Jigatsé. Le sel que l'on retirait de la caisse était vendu à un haut prix aux pèlerins qui, en venant en grand nombre, saluaient le corps du défunt Panchen. Ce sel était considéré comme un puissant remède pour toutes sortes de maladies. Le beurre remplit le même emploi quand un lama y était cuit. Tiens, mais en passant, je vous signalerai qu'en Birmanie, à l'époque où j'y vivais, les corps des moines jouissant d'une grande réputation de savoir ou de sainteté étaient non point salés, mais confits dans du sucre jusqu'au moment de leur incinération, plusieurs mois après leur mort. Le sirop qui emplissait le cercueil était vendu pour le même usage. C'est extravagant. Et croyez-vous que les Chinois ne vont pas maintenant interdire ces pratiques pour raison d'hygiène ? Je n'en sais rien. Mais s'ils le font, il ne manquera pas de Tibétains qui crieront à la persécution. Il y aura les bigots stupides qui croient à la vertu de ces médicaments, et puis ceux qui les vendent et en tirent profit. Nous disions que les Tibétains s'endettent à l'occasion des funérailles. Voulez-vous que nous y revenions ? Vous n'avez peut-être pas tout dit quant aux dépenses que les Tibétains font à l'occasion des funérailles. Vous avez mentionné leur désir d'éclipser leurs voisins et leurs proches en déploiement de faste, et vous avez indiqué qu'une manière de le faire est d'inviter un nombre aussi grand que possible de lamas qui réciteront des textes religieux pendant plusieurs semaines dans la maison du défunt. Y a-t-il d'autres manières pour le Tibétain de dépenser son argent à cette occasion ? Oui, Tsering doit aussi tenir table ouverte pour tous ceux qui entreront chez lui pour assister aux funérailles de son père. Il n'y a pas d'invitation. La porte de la maison où il y a un mort est ouverte à tout venant. Et il eut d'usage que quiconque se présente doit pouvoir manger et boire à son gré. Et le nombre de ceux qui se présentent est toujours important. La coutume veut que tous ceux qui viennent aux funérailles fassent un cadeau en nature ou en argent aux parents du défunt. Et ceux-ci notent soigneusement les noms de ceux qui ont donné les cadeaux et la nature du cadeau donné. Voilà qui est curieux. Et à quoi sert cette liste ? Comment ? Vous ne vous en doutez pas ? Elle sert d'aide-mémoire. Si un décès se produit dans la famille de ce nam qui a donné un cadeau à Tsering dans une occasion analogue, alors Tsering n'aura qu'à consulter sa liste, il y verra ce qu'il a reçu de ce nam, un kilo de beurre, trois pièces de monnaie d'argent ou n'importe quoi, et il pourra proportionner le cadeau qu'il fera à son tour à ce nam de façon à ce que la valeur de son cadeau équivaille à celle du cadeau qu'il a même reçu précédemment. C'est merveilleux, quelle comptabilité! Vous aviez bien raison de dire que tous les Tibétains ont l'instinct du commerce implanté en eux. Mais revenons aux dettes qui s'accumulent, m'avez-vous dit. Et voilà, les cadeaux que le paysan reçoit en cette occasion ne correspondent jamais, et il s'en faut beaucoup, à ce que les funérailles lui ont coûté. Où trouver de quoi solder ce surplus de dépenses ? Le paysan a rarement en main de quoi pouvoir le faire, donc il faut emprunter. Emprunter comme il l'a déjà fait au cours de la maladie de celui qui vient de mourir. Et il retourne solliciter un prêt du richard local ou d'un autre prêteur. L'intendant du gentilhomme de la région, ou celui du monastère voisin, ou qui là, l'intéressera toujours exorbitant. Et par cette continuelle pratique de l'usure, les capitalistes du pays continuent de s'enrichir et les pauvres de s'appauvrir. Paysan tibétain est induit à contracter les dettes en beaucoup d'autres circonstances. Il y a surtout le paiement des impôts. Jusqu'à ces derniers temps, les impôts se percevaient au Tibet de la façon baroque suivante. Voici ce qui avait lieu. Le fonctionnaire de Lhasa, qui se soit incombé, faisait savoir au gouverneur de province combien ils avaient à verser pour leur part. Il appartenait à ceux-ci de s'approvisionner de ces fonds de la manière qui leur conviendrait. Le gouverneur de la province indiquait à chaque fonctionnaire chef d'un district situé dans sa province la somme qu'il aurait à lui envoyer. À son tour, le chef de district agissait de même envers les chefs des villages. Maintenant, c'était au chef du village de voir comment répartir entre les paysans qui ressortissaient de lui la somme qu'il avait à apporter au chef de district. Le chef de village savait lire. Tout au moins, il le savait suffisamment pour déchiffrer sur le papier administratif le chiffre de la somme qu'il devait lever. En cela consistait sa supériorité sur ses administrés complètement ignares. Il calculait, il supputait combien il pourrait tirer de Tsundup, de Dorji, de Tsering, de Sunam, etc. Quelquefois, la répartition des taxes était laissée entièrement à son bon plaisir. Et dans ce cas, tout était simple. D'autres fois, une liste des contribuables avait été dressée par le chef de district et cette liste mentionnait la somme réclamée individuellement à Tsundup, à Dorji, etc. Et si la somme à payer était fixée, comment le collecteur pouvait-il duper ses administrés? Rien de plus aisé, puisque ses administrés ne pouvaient pas lire ce qui était inscrit sur la liste des perceptions. Le chef allait chez Tsundup, qui était taxé de 30 tankas. Le tanka, c'était une monnaie tibétaine. Tsundup, lui disait-il, une feuille d'impôt est venue, tu dois payer 50 tankas. Exclamation de Tsundup, lamentation. Comment je pourrais-je donner 50 francs? Je ne les ai pas. Ah, à cela, je ne puis rien, répondit le chef. C'est l'ordre. Il faut me donner 50 francs. Les lamentations commençaient. Le fermier offrait un cadeau au collecteur pour la maduée. Ne pouvait-il pas obtenir un rabais? Non, il ne fallait pas y songer. Le chef s'en allait en portant le cadeau, beurre ou farine d'orge ou autre chose, et annonçait qu'il reviendrait toucher l'impôt. Je suppose que Tsundup se désolait. Il y avait de quoi se désoler. Pour s'acquitter, il allait devoir emprunter à quelques richards des environs. Et les intérêts sur les prêts montent au Tibet un taux fantastique, généralement 50%, quelquefois davantage. Pour une mesure de grain prêté, on doit en rendre deux. Mais c'est absolument terrible. Tsundup retournait voir le chef du village, lui apportant de nouveaux cadeaux. Et le jeu pouvait se poursuivre longtemps, j'abrège. Finalement, le chef du village, simulant la terreur à la pensée du châtiment qu'il pourrait encourir, pour ne pas avoir touché la somme exigée, il acceptait que Tsundup ne lui verse que 40 trankas au lieu des 50 demandés tout d'abord. Tsundup se confondait en remerciements, offrait encore des cadeaux et donnait les 40 trankas, persuadé qu'il s'était tiré heureusement d'affaire. Comme il n'avait été taxé que pour 30 trankas, le chef du village profitait de la différence, soit les 10 trankas qu'il empochait et les cadeaux en plus. Est-ce que la même comédie se jouait aux échelons supérieurs? Bien sûr, le gouverneur avait demandé au chef de district plus qu'il ne lui fallait pour envoyer à Lhasa. Malgré ça, il trouvait toujours des prétextes à présenter pour excuser son impossibilité de s'en acquitter envers le trésor. Les contribuables avaient souffert de mauvaises récoltes ou d'autres maux. Mais il ne payait pas ou ne payait qu'à demi, d'où l'ordre de recommencer la perception. Et de haut en bas, les fonctionnaires, grands et petits, recommençaient à tondre le menu peuple des illettrés, incapables de vérifier s'ils devaient règlement ce qu'on leur réclamait. Et croyez-vous que les Chinois changeront ce mode d'impôt? Ils s'y emploient déjà, en y substituant des méthodes qui se rapprochent davantage de celles de nos pays, ou même qui sont identiques à celles qui nous sont appliquées. Les naïfs tibétains ne seront plus exploités de la façon que je viens d'expliquer. Cela revient-il à dire qu'ils auront moins à payer? Ah, rien n'est moins certain. Ils paieront peut-être davantage qu'au temps où les chefs de village, chefs de district et autres gredins les pressuraient. Seulement, ce qu'ils paieront sera utilisé à leur profit, en grande partie tout au moins. Quels avantages les Chinois apporteront-ils aux Tibétains en compensation des impôts qu'ils lèveront? Les Chinois ont déjà commencé l'irrigation de vastes régions qui étaient stériles et qui vont pouvoir produire des récoltes. Ils construisent des routes praticables aux camions automobiles, et grâce à elles, les rapports commerciaux pourront s'amplifier. D'autres progrès suivront, des écoles, des hôpitaux. Mais il est bien possible que les Tibétains n'apprécient pas les avantages que ces innovations leur apporteront. Je les connais assez pour savoir que bon nombre d'entre eux s'insurgeront contre ces nouveautés. Croyez-vous que les Tibétains soient prêts à s'accommoder d'un régime d'inspiration socialiste? Je laisserai parler les faits, tenez, ça voudra beaucoup mieux. Il s'agit d'un village, la frontière tibétaine-himalayenne, situé au pied d'un col d'une altitude de 5200 mètres. Les habitants de ce village vivaient sous un régime basé sur les principes d'un socialiste communautaire intégral. Personne ne le leur avait imposé. Leur père l'avait adopté. Et pourquoi, et comment, et quand, personne n'en savait rien. Mais tous les villageois s'y pliaient. Le gouvernement était commis aux soins de 3 villageois. En principe, ils étaient assistés par une sorte de conseil municipal qui s'assemblait pour décider des travaux qui devaient être effectués. Après un plan pureux banquier, dont les frais étaient supportés par tous les habitants, à mes auxquels les édiles seuls avaient part, ceux-ci fixaient la date où l'on planterait les pommes de terre. Tous devaient planter les pommes de terre dans le cours d'une même journée. Tous, entendez bien, le même jour. Quelle que fût la situation du terrain des divers propriétaires quant à l'exposition de ces terrains qui étaient échelonnés sur des pentes. Si, disait-on, des gens plantent à des donjons à des jours différents, et certains récolteront plus tôt que d'autres, à une époque où les pommes de terre sont encore des primeurs, elles vont plus cher. Ah, ce serait contraire à l'égalité. Tous doivent obtenir les mêmes avantages. Mais c'est absurde, vous n'allez pas me dire que l'arrachage des pommes de terre était également fixé. Mais justement, l'arrachage des pommes de terre était également fixé. Tous devaient les arracher le même jour, qu'elles soient mûres ou non. Avant cette date, on arrache un seul pied. Même pour le manger en famille, constituait un délai puni d'une forte amende. Il en était de même pour le grain. Tout le monde semait l'orge le même jour, moissonnait le même jour. Le grain étant mûr ou non, il fallait le moissonner. Après le délai fixé, s'il restait encore des épis debout, tant pis pour le propriétaire. Car au jour fixé, on lâchait les troupeaux dans les champs. Et le commerce était-il soumis à une aussi bizarre réglementation? Il donnait lieu à 2 exodes par an. L'un vers les villes voisines du Tibet, l'autre se dirigeant au contraire vers le sud, vers la frontière indienne. Aujourd'hui, tous les habitants du village devaient se mettre en marche. Seuls les vieillards complètement impotents et les tout jeunes enfants étaient autorisés à rester chez eux. Ceux-là qui n'avaient rien à vendre, ni beurre, ni orge, ni farine, ni pommes de terre, ni étoffes, rien. Ceux-là devaient accompagner les voyageurs turcs tout de même. Et comprenez, s'ils étaient restés au village, ils auraient pu se livrer à quelques besognes à leur profit personnel, tisser, fabriquer de la poterie, faire autre chose, et ils auraient réalisé un profit égoïste. Et cela ne devait pas être? Mais où aurait été l'égalité? Attendez, le comble vient. Des voleurs avaient tenté d'entrer chez moi. Je crus bon d'avoir un chien de garde. Les domestiques en cherchèrent un. Un villageois leur vendit un gros chien. Quelques jours plus tard, les triumvirs arrivèrent. Vous avez acheté un chien de Sundoups, me dirent-ils? C'est contraire à la règle. Pourquoi de Sundoups tout seul offrait-il un profit? Chaque famille a des droits égaux. Il fallait vous adresser à eux. Nous vous aurons envoyé. Quoi, 80 chiens, dis-je? Parce que je savais qu'il y avait 80 foyers dans la maison. Non, on va dire visite. Il n'y a pas 80 chiens disponibles au village. Nous vous aurions envoyé quelques chiens. Et est-ce que ceci est un exemple de la mentalité qui prévaut au Tibet? Dans certains coins du Tibet, oui. Il paraît difficile que les Chinois puissent édicter à l'usage de pareils gens une forme d'État totalitaire plus parfaite que celle qu'ils ont conçue eux-mêmes. Mais peut-être sera-ce précisément parce que celle que les Chinois leur proposeront sera moins rigide et leur laissera plus de liberté qu'ils se rebelleront contre elle. Ils en sont bien capables. C'était Le Tibet tel que je l'ai vu. Michel Manol a interrogé Alexandra David-Nel. Montage radiophonique, Harold Portnoy. C'était Le Tibet tel que je l'ai vu avec Alexandra David-Nel sur la radio-télévision française Chaîne Nationale en 1954-1955. Une série en 9 épisodes dont vous venez d'écouter les 3e et 4e émissions diffusées le 10 janvier et le 17 janvier 1955. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture. Thank you.